Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler avec notre ami Marc Fortier. C'est le repêchage de la Ligue nationale de hockey en fin de semaine. La grosse nouvelle également, Piqué Subban qui a été échangé. Salut Marc. Salut Danny. Marc, on va commencer d'abord avec le Canadien. Après ça, on va parler de Piqué. Le Canadien qui a repêché Cole Caulfield en choix de première ronde. Comment tu trouves la nouvelle? Écoute, c'est sûr que moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est... Écoute, je l'ai pas vu jouer, là, mais c'est un marqueur de but incroyable. Je regarde ses chiffres. Aussi fort que Patrick Kane, aussi fort que Phil Kessel, nomme-les. Là, mais par contre, 5 pieds 7 pouces, c'est peut-être la raison qui a fait en sorte qu'il a sorti tard. Hein? Plus tard que Pedro. Ouais, hein? Exactement. C'est sûr et certain qu'un joueur de plus petit gabarit, ben, va semer un doute souvent chez des dépisteurs. Sauf que je pense que dans le hockey d'aujourd'hui, c'est possible pour ces joueurs-là d'être capables de jouer. On en a des bons exemples partout dans la Ligue nationale. Alors, des joueurs rapides et avec une bonne tête de hockey, Danny, là, c'est ce qui est primordial aujourd'hui. Si tu es capable de patiner et que tu as un IQ qui est élevé en tant que joueur de hockey, que tu mesures 5 et 7 ou 6 et 7, tu peux avoir ta place aujourd'hui dans la Ligue nationale. Alors, on va espérer pour le Canadien que c'est un bon choix. Il a peut-être justement glissé à cause de cet élément-là, mais tant mieux s'il a réussi à se rendre au rang que le Canadien repêchait. Et puis, si ça peut être un joueur d'impact à Montréal, ben ça va être profitable pour l'équipe. Écoute, c'est un mélange de Alex DeBrincat et Brendan Gallagher, comme on nous l'a vendu. C'est toute une acquisition, parce que DeBrincat, écoute, 41 buts cette année avec les Blackhawks de Chicago. Oui, écoute, ben, je pense pas que là, il parle des stats de DeBrincat, mais il parle du style de joueur. Alors, est-ce qu'il va devenir un joueur comme ça? Tant mieux s'il devient un bon marqueur. Et puis, en plus, s'il a l'acharnement d'un Gallagher, ça va faire tout un joueur. Mais là, ça arrête les comparaisons. Le temps va nous dire comment que lui va se développer, parce que faut pas oublier, Danny, que le repêchage, là, c'est un peu une boule de cristal, hein, parce que on repêche les jeunes de 17 ans, et puis entre 15 et 20 ans, là, c'est là souvent que les jeunes vont soit se développer encore plus, ou soit vont plafonner, puis vont arrêter de grandir et arrêter de grossir. Alors, c'est un peu un coup de dé. Mais lorsqu'on parle de talent pur, c'est sûr et certain que ce sont des jeunes qui ont énormément de talent. Il va rester à savoir dans quelle mesure ils vont continuer à progresser et devenir encore des meilleurs joueurs. Et c'est là-dessus, tu m'en as parlé souvent, Marc, au fil des années qu'on se connaît. Le joueur, ils ont tous le talent pour jouer dans la Ligue nationale à quelque part, mais c'est l'attitude aussi. C'est là que ça fait la grande différence. Absolument, absolument. Le hockey, comme le sport en général, c'est 75%, là, je dis un chiffre, mais tu sais, on s'entend là, que c'est dans la tête que ça se passe. Il y a tellement de bons joueurs qui ont frappé le mur, qui n'avaient pas le caractère nécessaire, qui n'avaient pas la passion. Aujourd'hui, Danny, là, dans tout, dans le sport, dans n'importe quelle sphère de la société, dans n'importe quel job, la passion est un élément important, et c'est ça qui est de plus en plus difficile à retrouver chez nos jeunes. Nos jeunes ont de la difficulté à se trouver une passion dans la vie. Alors, c'est un élément qui est important aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bons talents de joueurs de hockey qui vont arrêter de progresser justement dû à ce manque de passion-là. Alors, c'est des éléments qu'il faut quand même considérer. OK. Parle-moi de j'ai bien hâte de voir Caulfield. Écoute, il a sorti pas mal plus haut qu'on pensait, plus bas qu'on pensait, tu sais. On le voyait entre 5 et 7 à peu près, puis il sort 15e, donc ça va être intéressant à suivre. Donc lui, il vient il est commis à l'Université du Wisconsin. J'écoutais l'autre jour Snake qui disait que le problème de Caulfield, c'était qu'il pouvait jouer sa petite stature en séries éliminatoires, ça pourrait faire la différence. Puis tu sais, en saison régulière, il n'y a aucun problème. Mais en série éliminatoire, où que c'est le hockey est différent, là, ça pourrait être problème. Puis il parlait de Johnny Gaudreau. Puis c'est vrai que les petits joueurs en série, tu sais, la saison est longue, l'énergie peut-être, ils peuvent être plus fatigués. Ah, c'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, c'est difficile. Puis tout le monde, rendu dans les séries, Danny, ouais. Un petit ou un gros joueur, le jeu est tellement serré que tu n'as plus d'espace autour de la glace et ça joue plus physique, c'est plus intense parce que tu joues dans un niveau d'intensité qui est supérieur, tu joues aux deux jours. Alors, c'est très, très, très exigeant pour le corps, peu importe ta stature. Mais on donne l'exemple de Gaudreau, mais tu peux regarder Johnson à Tampa Bay qui a toujours quand même assez bien performé dans les séries. Tu sais, je pense pas que ce soit dû vraiment à la stature du joueur, comme le jeu est rendu tellement serré en série qu'il y a des, qu'il y a des joueurs pour qui c'est plus difficile. OK. Là, le dossier encore qui fait parler, puis on revient ça toutes les années, Marc, le Canadien a repêché, dans les derniers choix, là, ils ont repêché, dans les derniers choix, deux joueurs de Ligue Junior du Québec sur 34. C'est très peu. Tu sais, il me semble qu'à quelque part, Marc, tu travailles dans la Ligue de hockey Junior du Québec. Si on ne donne pas la chance, si les Canadiens ne donnent pas la chance à des Québécois, qui va le faire? Ben, je suis bien d'accord avec toi. C'est sûr que, écoute, moi, à mon époque, là, Danny... T'avais les Nordiques. Il y avait les Nordiques, mais il y avait 12 rounds. À 12 rounds, là, je veux dire, tu pouvais te permettre, rendu d'un round 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'aller puiser un petit peu plus dans la liste de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. Aujourd'hui, à 7 rounds, ça fait pas beaucoup de choix. Okay? Ceci étant dit, Danny, c'est pas vrai qu'il y a moins de joueurs talentueux, puis il y a moins de joueurs rendus dans ces rounds-là qui ont le potentiel de jouer dans la Ligue nationale, parce que si tu regardes statistiquement parlant, c'est sûr que rendu à 5, 6, 7, sont moins les gars qui jouent dans la Ligue nationale aujourd'hui, ton pourcentage est plus mince. Okay? Ouais. Alors, de repêcher un Américain, un Ontarien, un gars de l'Ouest ou un Québécois, alors quand tu es une équipe du Québec comme le Canadien, je crois fermement que tu as une mission d'essayer d'encourager les gars dans ta cour rendus dans des choix comme ça. Alors, c'est décevant, oui, c'est décevant. Puis, Est-ce que c'est le dépisteur qui. Parce que je prenais l'exemple de Luc Gauthier, OK? Les Penguins de Pittsburgh qui ont repêché deux Québécois, je pense qu'il y avait quatre choix cette année, les Penguins de Pittsburgh. Ils en ont repêché deux, Nathan Légaré puis Samuel Poulin. Et est-ce que c'est un vendeur? Est-ce que Luc Gauthier, exemple, peut arriver à temps puis vendre, être un meilleur vendeur que le dépisteur de l'Ouest? Oui, ça peut être un élément. Tu sais quoi l'élément là-dedans, Danny, là, OK, c'est une pyramide, ça, hein? Alors, tu as le directeur gérant qui est en haut, ensuite de ça, tu tombes au dépisteur-chef. Ouais. C'est sûr que la philosophie et les croyances du dépisteur-chef vont avoir une influence sur les joueurs qu'on va repêcher. On a souvent dit que Trevor Timmons était un pro collège américain, université américaine. Il est allé puiser plus souvent à son tour dans ses choix-là. Okay? Ensuite de ça, tu as bien raison que les affinités que le dépisteur-chef va avoir avec ses dépisteurs peuvent avoir aussi une certaine influence, dans le sens que là, je prends un Luc Gauthier qui s'est monté une belle réputation de dépisteur, probablement qu'il doit avoir une relation avec son dépisteur-chef qui est bonne. Alors, ça permet peut-être à ce dépisteur-là du Québec d'avoir une petite influence de plus. Mais pour avoir vécu ces moments-là, Danny, c'est un vote à l'unanimité. Hein? Alors, un exemple, tu te retrouves 7 dépisteurs dans une équipe, ou 9, ou 11, ou 10, ou peu importe. Et puis là, quand ils font la liste des joueurs, chaque dépisteur a sa liste d'affichés sur le mur. Et puis, on respecte vraiment la liste de chacun. C'est sûr que quand on arrive après ça sur un dilemme, je te donne un exemple, il y a un Québécois, le dépisteur du Québec va pousser pour ce Québécois-là, mais sur 8 dépisteurs, il y en a 3 qui prônent pour ce joueur-là, puis les 5 autres, ils vont pour un gars de collège américain. Malheureusement, c'est le gars des collèges qui va passer. Alors, c'est au vote, Et si les votes deviennent dans une situation où les votes sont égaux de chaque côté, mettons, tu as 8 dépisteurs, c'est 4-4. Mm. Mais souvent, c'est le dépisteur-chef qui va prendre la décision finale, qui va trancher, qui va décider quel joueur on prend. Alors, c'est un processus qui est pas si simple que ça, Danny. Alors, un dépisteur du Québec peut avoir du poids ou ne pas en avoir, comme celui de l'Ouest ou de l'Ontario. Ça va au vote et ça va au respect de ces gars-là qui vont peut-être voir 150-200 games par année, qui vont, comme on dit, qui vont se faire geler les fesses pour essayer de se monter une liste. Alors, si au bout de la ligne, tu ne respectes pas la liste de chacun, ça ne vaut pas la peine de le faire. Ben effectivement. Apparemment, j'écoutais Samuel, j'écoutais ce matin au 91.9, on disait que dans le cas des joueurs québécois, on demande, la première question que apparemment que lorsqu'on passe des entrevues chez les Canadiens à des joueurs québécois, es-tu capable de jouer sous la pression de Montréal? Oui. Mais à 18... Très, très bon point. Oui, mais à 18 ans, c'est dur là, pour un jeune de répondre à ça. Il faut que tu saches comment tu as vécu aussi. Il faut que tu la vives pour la comprendre, non? Oui, mais je t'annonce que la réponse de tout le monde, c'est oui, Danny. Il n'y a pas un petit gars qui va arriver qui va dire non. Là. Enfin, là, il ne doit pas considérer cette question-là. Je veux dire, la première. C'est quoi? Ouais. Ils doivent la considérer si le petit gars dit non. Parce que si le petit gars il est convaincu, il n'est pas capable, c'est sûr qu'il faut considérer sa réponse non. Mm. Sauf que je te dirais que 99 petits gars sur 100 vont dire oui. Fait que c'est une question juste qu'eux autres, ils vont chercher la réponse non, ils vont pas chercher la réponse oui. Ils font pas ça déterminant de dire, vu qu'il a répondu oui, on le prend. Mm. Mais s'il répond non, ça se peut qu'il le prenne pas. Là. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il écoute des questions d'année, là, il en pose peut-être 50. Là. Alors, c'est sûr et certain que... Mais Danny, sais-tu quoi? Ouais. C'est quand même quelque chose qui est un élément important de jouer pour le Canadien ou de jouer ailleurs dans la Ligue nationale pour un Québécois. C'est une pression qui est différente. On doit répondre à tous les jours aux questions des journalistes, à la pression des fans. Mais si tu n'as 10-12 des joueurs... peut-être pas 10-12, mais si tu as 8-9, la pression se sépare à 8-9 aussi? Oui, c'est un bon point. Puis c'est sûr que si t'es un choix de cinquième ronde par le Canadien, t'auras pas la même pression qu'un choix de première ronde québécois, ça c'est sûr et certain. Alors, non, mais de toute façon, Danny, là, de la pression, il y en a partout. Ben oui, joue pour les Yankees. La job que pas être pire que jouer pour les Yankees, tu sais. Oh, oui, absolument. Alors, si t'es pas capable de faire face à cette pression-là, t'es peut-être pas à bonne place. Alors, ça fait partie de la game parce que la pression, là, il l'a aussi à Toronto, puis il l'a aussi en Caroline, puis il l'a aussi en Floride. C'est juste que c'est moins médiatisé. C'est ça qui est l'enjeu. C'est de la pression des médias. C'est pas la pression de jouer pour le Canadien ou jouer dans la Ligue nationale. Ça, il y a une pression pour n'importe quel joueur qui joue dans une... Mais Marc, je veux revenir du temps de ton temps, à l'époque des années 80-90, quand les Nordiques existaient, et Serge Savard dit tout le temps, à talent égal, je vais prendre le Québécois, moi je peux pas me permettre qu'un joueur du Québec performe à Québec. Là, on est quoi, 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, cet adage-là, là, elle existe encore. Sauf que les Nordiques, en étant plus là, moi je l'ai toujours dit, mets un club à Québec convaincu que ça va changer les choses, puis ça va mettre de la pression supplémentaire sur le Canadien. Est-ce que c'est encore vrai en 2019? Ben c'est sûr et certain que oui. Si les Nordiques étaient là, ça forcerait autant Québec que Montréal à aller chercher les meilleurs potentiels possibles, parce que c'est vrai que ça paraît vraiment, mais même aujourd'hui, avec le Canadien, de voir des bons Québécois aller performer ailleurs dans la Ligue nationale, ça doit quand même leur faire un petit pincement au cœur. Alors, c'est sûr que tu peux pas tous les repêcher, puis tu peux pas fausser ton repêchage par rapport à des Québécois, parce qu'on l'a déjà vu, un exemple de Louis Leblanc à l'époque, on avait quasiment forcé la main aux Canadiens à prendre Leblanc, puis ça a été il faut se dire, c'était un flop. Alors, on peut pas baser notre repêchage seulement sur devoir repêcher les Québécois, sauf que lorsqu'on arrive, tu sais, nous autres, le débat, Danny, c'est quand on arrive au round 5, 6, 7. Ben ouais, je suis sûr que là, on est capable d'aller trouver des Québécois qui seraient capables de faire le travail. Ou encore un Simon Bolduc. Simon Bolduc, c'est pas de l'Armada de Blainville-Beaubriand. On disait que le Canadien l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis finalement, il aurait pu le repêcher. Un gros défenseur de 6 pieds 4, 195 livres. Qu'on dit que, on disait que les Canadiens l'aimaient beaucoup. Joël Bouchard l'avait dirigé. Puis finalement, quand c'est le temps de repêcher, on a échangé notre choix à Los Angeles pour obtenir un troisième choix puis un cinquième choix. C'est, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Bon, c'est sûr. On peut toujours contester la façon de faire, Danny, mais comme je t'ai dit auparavant, ces listes de repêchage-là, là, c'est plus compliqué que ça des faire. C'est pas seulement. Tu peux pas faire une liste de repêchage sur le côté émotion. Ouais. Tu dois le faire sur le côté talent, puis faire une fois que ta liste est sortie, tu dois respecter ta liste. OK. Puis qui est sous bonne échangée? On en a parlé souvent, Marc, par le passé. On a parlé au moins deux, trois fois depuis que tu collabores avec moi. On disait que Piquet, c'est le style de joueur qu'à la fin de sa carrière, il va avoir joué avec 4-5 équipes, puis il ne fera pas plus que 3-4 ans avec la même formation. Oui, il y a l'histoire de plafond salarial. On voulait baisser le plafond. On voulait surtout qu'il y ait Dante Favreau pour faire de la place à un jeune comme Dante Favreau. Sauf à la fin de la journée, Marc, es-tu d'accord avec moi que Piquet, il dérange, puis c'est probablement été le premier qu'on a pensé? Ben oui, Danny, c'est pas un secret de polichinelle, ça là. On l'a dit, Piqué Souben, c'est un joueur controversé. C'est un joueur qui ne restera jamais longtemps dans la même équipe. Pourquoi? Parce que Piqué, t'es capable de l'endurer quand les choses vont bien. Ouais. Mais quand ça va moins bien, c'est un irritant dans un vestiaire, c'est un irritant dans une organisation. Et là, on le voit que ça passe pas toujours. Alors, lorsqu'elle arrive, le temps d'être obligé de serrer ta masse salariale, de faire le ménage ou quoi que ce soit, ben ça, il va être souvent le premier joueur à être considéré dans cette équation-là, justement, dû à comment qu'il dérange hors glace. Alors, on n'est pas surpris de voir qu'il va être échangé, et puis il va peut-être rester à New Jersey longtemps si l'équipe gagne et s'il est un rouage important dans cette équation-là, mais on doit admettre qu'à Nashville, là, il n'était peut-être pas le joueur aussi important qu'on pensait lorsqu'on est allé chercher. Là, il y avait des défenseurs qui étaient rendus en avant de lui, alors il était quasiment rendu un quatrième défenseur. À 9 millions, ça coûte cher. Un quatrième défenseur à 9 millions coûte cher. Exact. Alors, c'est sûrement la raison aussi du pourquoi il a été changé. Mais pour les Devils, écoute, moi, depuis le temps que je me rappelle les Devils, c'est une équipe fade. C'est une équipe gagnante, mais c'est une équipe fade. T'sais, rappelle-toi Pat Verbeek, John McLean, c'était pas Schomburg de mes buts, Martin Brodeur. Ça a vraiment été une équipe vraiment avec beaucoup, beaucoup de couleurs. Là, t'as Piqué, de Jack Hughes, là, tu commences à avoir une équipe intéressante avec beaucoup, beaucoup de personnalités, comme on pourrait dire. Oui, mais c'était une équipe quand même, Danny, c'est vrai puis c'est pas vrai que tu dis là. La raison pourquoi il n'y avait pas de couleur, c'était à cause du système de jeu qu'il jouait. Hein? Avec Jean Clément, on se souvient qu'il jouait un jeu tellement dormant, tellement plate, tellement défensif. C'était la même affaire aussi. Oui, alors là, en amenant des joueurs, là, tu sais, comme on a amené, des joueurs, quand tu amènes des premiers choix repêchage comme ça, avec Hughes, puis avec Ishier, et là, tu amènes Subban, mais là, tu commences à amener vraiment de quoi donner une équipe plus offensive. Alors, c'est sûr et certain que ça va changer sûrement la façon de jouer, mais si tu arrives avec un entraîneur qui le fait jouer la trappe, c'est sûr que ça va être moins spectaculaire, mais ça sera pas le cas, heureusement. Et je pense que ça va s'emmener une belle équipe à regarder, avec Hall, avec Ishier, avec Hughes, avec Souben. Tu t'en viens avec une équipe plus que respectable. Marc, on s'en parle peut-être la semaine prochaine, c'est le marché des joueurs autonomes. Puis évidemment, on a toujours dit que la saison du Canadien à 90%, l'alignement du Canadien et des autres équipes nationales, ça se décide entre le 15 juin et le 6 juillet. Donc, on va s'en reparler la semaine prochaine peut-être pour voir comment tu trouves ça. Parfait, Daniel. Collaborateur Marc Fortier.